un soir à l'autre bout du monde. Ils ont fait l'amour sans savoir, lui sans savoir qu'elle était blonde, elle sans savoir qu'il était noir. Si la planète était en guerre, ils n'auront jamais su pourquoi. Leur peine en fut lourde ou légère, cela ne vous regarde pas. Un soir aussi banal qu'un autre, une fille dont tu ne sais rien crut te faire oublier tes fautes sur un air que tu connais bien, un air qu'on joue dans les brasseries entre Düsseldorf et Berlin. Dans la vie pour essayer de faire le malin. Un soir l'amour vint à ta porte, tu l'as compris beaucoup trop tard, et depuis ta chandelle est morte. Tu n'as pas su gagner ta part. Tu ne sais rien de cette fille, et la fille n'a rien su de toi. Tu as peut-être gâché ta vie, ça sera pour une autre fois.